chair et je suis la chair. Je suis la peau et je suis les os. Je suis la nouvelle manne et l'ancienne pourriture. Aux abords d'Ama Ferrae. On pourrait désigner cet endroit comme une colonie des glaneurs. Un lieu où la prime directive trouverait une forme de légitimité. Aussi. Vous êtes venu là pour une mission et vous avez beau ressasser l'objet de la mission, vous éprouvez quelques difficultés à vous accorder sur les termes de l'exécution de celle-ci. Certains, les pluies incessantes, les boues qui entachent les sols et freinent votre expédition, vous ont conduit à de nombreuses reprises. Ce que la prime directive est censée éloigner. Mais le lieu est singulier, encore une fois. Ama Ferrae est l'une des franges de dégringolade, l'un des lieux où les Grégores et l'Emprise se sont attachés, se sont inscrits. Graver leur marque, leur empreinte de manière indélébile. Vous avez suivi le vieux canal. Jusqu'au haut d'Alzerai. Il a été difficile de te convaincre de quitter Point Défense. Et là que vérité. Herman, n'est-ce pas? Il en est là que vérité. Avait cet avantage, à vos yeux tout au moins, d'être une forteresse, et en cela de préserver les membres de la communauté des affres du monde hostile au dehors. hostile du dehors, du monde hostile tout court. Vous vous sentez seul, parfois, sur la lande, alentour de points défense, lorsque vous n'apercevez plus le mur familier des fusillés, le mur des fédérés, celui qui a vu s'établir la commune et qui verra rejaillir celle-ci lorsque le projet des glaneurs sera arrivé à terme. Pour convoquer cette issue favorable, les régulateurs sont là et protègent les allées et venues des ambassades, des doctes qui diffusent en même temps que les remèdes aux maux de ce monde les principes moteurs de la prime directive et diffusent la culture qui prévaut au sein des glaneurs, qui l'impose parfois avec l'aide de ces mêmes régulateurs. Lorsque vous êtes arrivé au terme d'une longue errance sur les eaux, sur votre barge, jusqu'au vieux canal, en vue de ce qui subsiste du temps jadis, vous avez clairement ressenti l'éloignement où vous vous trouviez du monde que vous avez quitté et du monde hostile dont vous préserve Point Défense. Mais la perspective qui t'était offerte, c'était d'établir une tête de pont, un point de rayonnement, un relais, car sur l'une des cartes que tu as pu compulser lors de la préparation de la mission, une des cartes établies à noter de l'écriture étroite de Nikolai, cette écriture à l'encre bleue, un bleu pâle qu'il tire des plantes. Sur du papier d'autrefois et non l'écorce dévolue aux annotations des membres de la communauté, mais des doctes, des maîtres, des magistères. Cette annotation donc faisait état d'une antenne relais sur une éminence, la Paillotte. De Alphaï ou Alferaï à Tefaï, de fait. Vous n'avez eu guère de contact avec les dégénérés qui hantent le lieu. Hante est le terme approprié, c'est une hantise. On ne sait pas à quel sauce ils vont vous manger. Ta présence, Nalian, revêt d'autant plus d'importance. D'avoir dû donner de la voix, tirer quelques coups de semonce pour que ces gens insufflés, ces personnes souillées par l'emprise, cesse enfin de menacer vos nuits. garder un lieu, garder un campement, une espèce de bivouac perdu au milieu des lianes qui étranglent des gringolades, n'est pas une mission aisée. Tu as beau avoir tout le matériel requis à cet effet, tu t'es longuement préparé, tu as pris une provende de munitions, ton arc pour œuvrer en silence et tailler si besoin était parmi la souillure qui entache le petit monde du lieu. Souviens confusément à en avoir blessé au moins un. Mais pour toi, Nalion, est-ce là quelque chose qui pèserait sur ta conscience? Avoir blessé l'un de ces dégénérés? Peut-être blessé plusieurs d'ailleurs. C'est peut-être une nuance. Toujours est-il que maintenir le niveau de provision à un seuil raisonnable, ce qui implique de récolter et trouver des champignons dans la zone, des champignons comestibles, s'entend, n'est pas chose aisée, Gaster. Mais tu es au fait de ce genre de choses, tu as été souvent dans des coupes, dans des essarts où la colonie cherchait à indiquer la progression de forêt. Et toi aussi, tu as laissé tes marques en amas ferraille. Elle te faille l'espèce de point de ralliement, de campement. Tu as négocié âprement quelques ballots, quelques vivres que vous aviez et verroteries que vous aviez emportées en prévision de jours de disette, et à titre conservatoire sur la demande de Nikolai, le maître cartographe, tu es allé nouer des relations avec les gens du groupe. Ils ont rien à voir avec ceux que l'on côtoie d'ordinaire au sein de Point Défense. Ce sont des êtres frustres, pour la plupart contrefaits, atteints par l'emprise, un mal insidieux qui ronge les chairs, les déforme. Avoir dû te rendre plusieurs fois dans leur campement, notamment à l'occasion d'un conclave qui suivait une longue chasse. De menus objets manufacturés transbordés depuis les hauteurs de Point Défense jusqu'à ce lieu perdu. tu as pu te rendre compte que, en quelques jours, ils avaient oublié jusqu'à ton existence ou ton nom, et se souvenaient plus d'avoir échangé avec toi. Du temps jadis. Vous a indiqué que la communauté établie ici, d'après les descriptions qu'il avait pu rapprocher de ses observations, était des légers, des nomades. Et que, à ce titre, il était quelque peu hasardeux de commercer avec eux, mais que faute de mieux, on devrait s'en contenter. Ce qu'il faut absolument rechercher, ce sont des gris. On les appelle comme ça parce qu'ils s'enduisent la peau du contenu de vesses singulières qui ont la propriété très recherchée d'endiguer le syndrome de l'oubli. D'ailleurs, dans le baume qui vous accompagne dans votre expédition, le baume que vous devez lors de vos rituels matinaux oindre votre corps, vos tempes notamment, votre visage tout entier. Ce baume a été conçu à partir des spores de cette espèce de fungus étudié par les doctes de Point Défense. On pourrait ainsi vous considérer vous-même comme des gris, même si vous n'aviez pas le côté ruste, primitif et désorganisé des communautés grises qui errent dans les ruines de dégringolade. Sur le mont de la Payotte, Herman, tu es censé trouver une antenne relais. C'est l'objet de ta mission, la tienne. C'est pas l'objet quand on poursuit Nikolaï. Nikolaï est venu pour établir un camp et prospecter les tréfonds d'Amaferrail dans la région. La région d'Amaferrail qui est très riche en artefacts de l'âge d'or. Mais comme elle est aussi parcourue de vents puissants d'égrégores que relaie la fameuse paillotte du mont, la mission pourrait être périlleuse à qui ne se serait pas dûment préparé. La mission officielle, puisqu'il y en a une, c'est de recouvrer un artefact du temps jadis qui permettait de reproduire les voix d'or du temps de l'âge d'or. Le gramme quelque chose. aujourd'hui ou peut-être hier, en la compagnie de Nikolaï, tout heureux d'avoir trouvé un piège-lumière dans les décombres des vestiges d'un vieux quartier de dégringolade où il s'est aventuré seul, sans même ta protection, sans même t'en avertir. Mais il est pas peu fier d'arborer son piège-lumière dont il a d'ores et déjà exhumé moult souvenirs. Moult souvenirs qui pourraient vous conduire au cœur ou vers la résolution de votre exil, l'obtention de votre blanc-seing pour un retour vers Point Défense, découvrir ce fameux Gramotruc, cet appareil du temps jadis qui reproduit la voix comme certains appareils piègent les lumières. Alors il vous en a rebattu les oreilles, mais y avez-vous prêté attention? Oui. Oui. Et toi, cela t'intéressait-il, Nalyan, de savoir ce qu'était un Gramotruc? Ou le Gramotruc se suffit en lui-même? Je suis juste censé protéger l'équipe. Je suis pas censé comprendre les trucs. Quelque chose est hostile, je tire dessus. Point. Tu as suffisamment à faire avec Azerai. Les gens d'Azerai, oui. Du bivouac, ça tu as bien retenu. Et tu as vu, inscrit sur un vieux panneau rouillé sur lequel on avait enduit de matière plastifiée, les termes Azerai pour affirmer que ce lieu a existé au temps jadis. Ce lieu fut, ce lieu pourtant est tenté par une population disparaître de dégénérés. Tu as arrêté comme principe de les abattre à vue lorsqu'ils s'approchent du camp? Ou serais-tu prêt à déroger à ce principe et laisser quelques égarés venir jusqu'à votre bivouac pour... Je mets des postes à distance en soi. Périmètre de sécurité, si tu préfères, autour du camp. Paramètre visuel, j'entends. Je ne tire pas à vue non plus. Si jamais il dépasse, je sais pas, il y a le camp. Et j'ai vu jusqu'à combien de mètres ou kilomètres. C'est en termes de mètres, car ouais, la végétation est fort dense. Des gringolades est tout envahie de lierre et de. Élevée que je puisse. Enfin, si je devais tracer un cercle tout autour du camp, quel serait son rayon? Tu as une trentaine de pas depuis le bivouac de vision dégagée. Vision qui... Tout machin qui s'approche... enfin, la distance entre moi et lui est de moins de 20 pas, je là-bas. Au-delà, ils font leur vie. Donc tu as pu observer des tentatives d'incursion à plusieurs reprises. Tu as tiré vers les buissons. Parfois avec succès, tu as entendu la douleur succéder au bruit de la détonation, ou tu as entendu précisément la flèche se ficher dans des chairs, ou quelque chose d'avoisinant. Je présume. Tu n'as pour autant trouvé aucun cadavre, tu ne les as que blessés, effrayés, repoussés. Tu ne t'es pas rendu toi-même à Azerai? Je n'ai pas de mémoire. Gester, tu as participé à l'élaboration du camp du bivouac. Tu as donné de ta cognée pour abattre les arbustes qui vous gênaient. Puis tu as arraché moult hier. Les liserons profondément enchâssés dans la terre, la boue et la pierre de cette zone de dégringolade. Mais à quoi as-tu employé ton temps par ailleurs ? As-tu été chassé alentour ? T'es-tu risqué jusqu'à As de Ferraille ? Le camp des pieds légers ? As-tu recherché la présence de Gris dans les environs ? T'es contenté de rechercher champignons et autres herbacées qui pourraient vous sustenter. Je me suis occupé de chat. Je lui ai parlé. Tu as parlé longuement avec ton chat. On a discuté de frites. Tu as longuement discuté pour ta part, Herman, avec Nikolai, et il t'a exposé que le gramophone permettrait, si vous le recouvriez, de lire des supports fort anciens que vous avez retrouvés empilés au fond d'une cave au cœur de dégringolade et qui dorment actuellement illisibles, incompréhensibles à la communauté dans l'un des réduits de la bibliothèque. Pour s'être abondamment documenté, il est persuadé que non loin de l'endroit où vous bivouaquiez, il se trouvait jadis une fabrique qui concevait pareil artefact et que l'on pourrait trouver des pièces, des plans peut-être, de quoi en tout cas restaurer les éléments de gramophone qui ont d'ores et déjà été glanés par les membres de la communauté. Par ailleurs, les mécaniques ne te semblent pas si absconses, c'est un primitif appareil radio qui utilise un support fixe mais qui dans son ossature répond à certains devoirs de tes propres ustensiles et te retrouver en contact avec une telle usine est une perspective déjà intéressante au-delà même du monde de la paillote. Il faudrait que là une expédition qui ne peut qu'enrichir la puissance du parti, la puissance des glaneurs. Alors il a fait très froid les premiers temps de votre installation, ça vous avait évité les nuages de spore, les nuages de phéromones qui envahissent la vallée sitôt que les vents sont propices. Les vallées de dégringolade sont baignées de ces lueurs orangées lorsque les vents les portent et lorsque la pluie cesse. Mais au cœur de la saison froide et sèche, lorsque vous êtes installé, vous avez aussi connu quelques petites journées dégagées. Et là, tu as pu constater qu'il y avait moins de nuages d'importance. Tu en as profité pour aviser un aulne isolé qui t'a permis de l'utiliser comme une vigie et d'y grimper pour prendre quelques repères. Puis tu as compulsé la carte du maître cartographe et vous avez pu établir une course probable vers l'endroit qui resserrerait ce que lui cherche, mais ce que toi avant tout tu cherches. Donc tu as influé sur ses calculs, tu lui as donné quelques informations, lui as laissé entendre un point que tu avais repéré sur sa carte, mais que tu n'as point vu, mais qui te rapprochera de façon certaine du mont de la Paillotte. Au-delà du fait que vous n'avez pas connu devant des ruches, vous n'avez pas eu à en souffrir. La proximité des gens d'Azeraï t'a laissé mal à l'aise. Forêt propose une réinterprétation. Est-ce que tu aurais quelque chose qui... alors ça relève plutôt de crâne, c'est des connaissances. Une connaissance, qu'est-ce que tu as en crâne que je pourrais... Alors là on détruit l'antenne de la commune. Est-ce que tu es prêt à miser autre chose ? Non. Non, tu mises que celui-ci. C'est un pair, un résultat impair qu'il me faut faire. Pardon ? Je dois faire un résultat impair. Non, pair. Pair. Impair, tu remportes l'interprétation que Forêt te propose. Et ce qui explique ta volonté, donc tu fais de t'éloigner au plus tôt de ce lieu que tu juges peu sûr. Nalian, tu as organisé des patrouilles pour sécuriser le périmètre. Pendant que les deux autres préparaient leur course au trésor. Bon, ça te fait un petit peu sourire, les voir se préparer, se lancer dans de longs discours nébuleux. Tout ça pour aller croiser quelque part et trouver quelque chose. Mais il y a quelque chose qui t'inquiète dans les traces que tu as trouvées dans la boue alentour en patrouillant. Dans les odeurs que laissent dans leur sillage les silhouettes qui fugitivement tournent autour du camp. C'est en crâne. Et tu me dis combien de souvenirs tu es prêt à miser, si t'en as qu'un ou... Son dé hors sein. Je voulais en miser un de toute façon. D'accord, donc je reste avec... Oui, non, mais j'avais oublié de le préciser, mais à chaque fois j'en mise qu'un. Ok. Alors, je le mets dans un dessin à cet endroit-là. Erres-tu autour à la recherche de nourriture ? Tu m'as dit que non. Mais que mange ton brave chat ? Des croquettes. Des croquettes que tu lui donnes parce que tu respectes scrupuleusement les rituels et les observations des doctes. Tu te préserves, toi et ton chat, de l'emprise. De la souillure également. Tu respectes tous les rituels qui t'ont été enseignés à Point Défense. Scrupuleusement. Exact. Tous ? Oui, sans exception. Notamment les interdits concernant la nourriture. Tu fais... Tout autant. Très bien. C'est tout à ton honneur, Gaster. Est-ce que tout le monde dans l'expédition en fait de même ? Pas vraiment. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Pourtant, tu les côtoies tous les jours. Tu côtoies notamment notre ami Herman, qui est toujours plongé dans ses écoutes, le casque sur les oreilles, en train de mastiquer on ne sait trop quoi. Qu'est-ce qu'il bouffe ? C'est la question que tu te poses sans arrêt. Du moment qu'il devient pas hors là. Il ne participe pas au repas rituel du matin. Il est trop occupé à écouter, à surveiller les Grégores, à guetter les signaux. Forêt te propose la réinterprétation de « Les asticots me répugnent » en Herman. Vas-y. Herman mangerait n'importe quoi, même des asticots. Tiens, des asticots. Bon appétit. Oh, de méchant. Ah, tu repousses la tentative de Forêt parce que ce qu'il mange, c'est pas des asticots. Il mâchonne sans arrêt une lanière de cuir, nerveusement la lanière de sa chafka qu'il porte sur la tête. C'est pas vrai. Le rire de Xavier nous renseigne. C'est fou ce que vous dites. Faut arrêter de manger ses vêtements. Enfin, j'ai dit ça, mais je sais pas. Parfois la faim vous tenaille tout de même. Toujours est-il que vous avez entrepris enfin la course tant attendue. Vous êtes parti loin de votre bivouac. Vous êtes risqué sur des hauteurs que vous n'avez vues que sur carte. Vous avez dû quitter le chenal que vous y aviez jusqu'alors suivi pour emprunter le cœur du vieux canal et vous diriger au pied du mont de la Paillotte. D'ailleurs, le terrain... c'est fait de plus en plus difficile et il vous a fallu, alors que vous étiez parti à Presco, profitant des meilleures heures de la journée, abandonner très tôt votre barque aux abords d'un grand saule. Tu t'es assuré bien évidemment qu'elle était correctement amarrée pour la retrouver et pouvoir rejoindre au retour la sûreté du bivouac. Vous avez ensuite marché sur des sentes étroites dans une atmosphère presque irréelle. Vous entendez autour les insectes qui se manifeste sans cesse, vibrillonne, papillonne de leurs ailes, le sol grouille de vers. C'est avec répugnance que tu marches au milieu des roncières. Tu préférerais encore aller parmi les roseaux, sur les coteaux de Point Défense. Point Défense te manque, même si c'est un lieu austère où il y a une discipline toute militaire. C'est tout de même différent. Vraiment différent. La discipline militaire, il est simplement la discipline naturelle, la discipline du parti. Nikolai se frappe régulièrement son crâne chauve qu'il entretient régulièrement pour chasser les moustiques moucherons qui pullulent et qui viennent boire la sève qui sourd de lui, qui viennent boire sa sueur, qui viennent jusque vos yeux pour voir vos larmes. À la mi-journée, néanmoins préservé de la plus forte chaleur, mais pas du ruissellement incessant depuis la canopée des eaux usées par les feuilles, des eaux toutes souillées, des sanies, des créatures qui grouillent alentour. Vous vous arrêtez pour vous ménager une halte bienvenue. Ton sac de provisions a percé. Il a été déchiré par la végétation. Les lianes sont traîtresses ici. Plus que des lianes, ce sont des ronces qui ont percé le sac et à tel point qu'un trou suffisant pour laisser s'échapper les précieux champignons qui vous servent d'aliments. Et vous vous trouvez totalement dépourvu au moment de la halte. J'en informe les autres et je leur dis qu'il faut du coup trouver d'autres choses comestibles et pas des choses étranges. Il y a des espèces de criquets qui courent, bondissent dans les herbes de la clairière où vous vous trouvez. En dehors de ça, il y a nombre de cloportes qui courent sur un lierre qui recouvre des vestiges du temps jadis, une bâtisse circulaire que vous devinez par la forme qui n'est pas naturelle mais dont vous n'avez vu en aucun point sourdre paraître transparaître l'ossature en elle-même, juste la végétation qui a une forme artificielle. Mangerez-vous des cloportes ou des criquets? Je m'y refuse. On peut se passer d'une halte sans nourriture. C'est pas conseillé, mais on peut s'en passer d'une. Personne ne veut à manger, autant qu'on rentabilise ce temps. En avant. Et le soir venu, trouverez-vous on a qu'à espérer un meilleur havre? On a qu'à l'espérer, sinon on va se contenter de ce qu'on trouvera. La marche... Et ce sera pas négociable. La marche, telle que tu l'as vue avec Nikolai, est beaucoup plus lente que prévu. Vous n'avez, d'après tes points de repère, parcouru qu'un tiers de la distance qui vous sépare du Mont Payotte. Vous devrez bivouaquer au cœur de la forêt. Il nous faut accélérer. On sera rendu dans la forêt si on... Vous avez de manger. Déjà... On a déjà économisé nos forces parce qu'on va devoir trouver de la nourriture chaque jour. Bien évidemment qu'on va ralentir. Mon bras, vous comprenez. Je donc. Me mets à caresser pas. Il est. Ton chat, lui. Il est essentiel de ne pas séjourner. N'attend pas en vos bois. Recommandations et. Ne goûte pas spécialement ses croquettes. Il refuse de manger afin d'avoir des forces et de les plus vite. Il attrape de ses pattes là. N'a pas mangé, c'est un temps précieux que nous gagnons pour accélérer le rythme. Ceux qui affectent nos capacités. Tu es répugnant. Et donc qui affectent la vitesse du voyage. C'était un investissement nécessaire. Juste affamé, mais. Le rythme, comme vous aviez imposé. Parle tout à ton chat. Le rythme est trop lent. Tu lui parles souvent ? Oui. Dans ce cas-là, tout le monde fait une pause et mange ce qu'on trouve. Ne crains-tu pas que l'emprise te transforme, mon ami ? Non. Il ne nous est pas nécessaire de faire halte. Tu as quelque chose qui concerne ton chat ? C'est pas parce que tu manges ta chatte que c'est un exemple. Mon chat Rusty est très attaché. Il y a autre chose ? L'emprise me transforme. De chaque cas, non, j'ai autre chose. C'est la mâchonne. Oui, mais moi, c'est je parle le chat. Je te prierai. Donc moi, c'est celui-là que je propose de transformer. Est-ce que tu as mis un autre souvenir de ou pas ? De respecter les membres du parti. Je respecte ceux qui ne mangent pas leur chapka. Allez. À moins que tu veux que je te dénonce pour collaboration avec les Orla, hein ? On le sait tous que t'es un Orla, pourtant. Moi, je suis un Orla, bien sûr. Et après, on me dit que les autres membres du clan sont censés être tout aussi utiles que nous. Nous, au moins, on ne raconte pas de mensonges sur vous. Allez, hop, en avant. Je clôt la conversation comme ça. Tu t'éloignes dans la végétation. Lui, il se débrouille. De la végétation dense et ton départ provoque celui de Nikolai qui tripotait encore son piège lumière. Ton chat, après une toilette rapide, bondit sur ton épaule, Gaster. Et te susurre à l'oreille. On ne s'en va seul ici. Je préviens Nikolai du message que m'a envoyé mon chat. Nikolai s'arrête. Ton chat t'a dit cela ? Oui. Nous aurions dû emmener un docte avec nous, hein, je le crains. Vlad, le gamin, nous parle de chat qui parle. C'est pas mieux que l'entretien de l'un et les autres. Allez, je parle toujours à mon chat. Ah oui, tu lui parles. Fortez, passe devant. Tu écarteras les ronces pour nous. Je souffle en allant devant. Tu souffles ou tu pestes ? Je peste. Vous progressez... avec difficulté et la clarté se fait plus ténue à mesure que vous redoublez d'efforts et que vous semblez régresser, tous les lieux se ressemblent, même les restes de dégringolade qui émergent. Vous pensiez voir là les vestiges d'une maison singulière, isolée, et vous la retrouvez quelque temps plus tard. Vous vous êtes égaré, vous reprenez votre route, prenant d'autres points de repère, marchant plus sûrement, et vous retrouvez une coulée que vous présagez être la vôtre. Vous marchez longuement pour vous arrêter à presque nuit dans une clairière, sûr d'avoir parcouru quand même quelques distances et de vous être éloigné de votre point de départ, du point où ton chat s'est rassasié des criquets qui sautillaient, bondissaient dans les herbes. Mais le repas est loin et votre havresac vide. Point de champignons, et là il n'y a que quelques vestes qui permettront de disperser les insectes pour la nuit, mais rien de mangeable. Je demande si on s'arrête là pour la nuit. Il faudra bien, j'en peux plus. Il est en nage, couvert de sueur, le teint extrêmement pâle, les yeux presque luisants de l'effort prolongé, injecté de sang, il est fortement éprouvé. Je m'adresse à tout le monde, on le fourre à moi et si tu regardes, je m'en fiche de tes quotas si on n'a pas fait les quotas de la journée. Il est épuisé, on dort. Vous installez votre campement. Je commence à mettre des bâtons pour faire un feu. Le feu ne pourra pas prendre la forêt toute ruissante d'eau. C'est une forêt qui s'installe dans la nuit, qui s'installe au cœur de nuit et où l'eau a ruisselé des jours durant, et elle régurgite, recrache toute l'eau qui a plu sur ses feuilles. Elle vous les rend, et le bois sec est absent. Je prépare un endroit douillet alors pour mon chat. Il y a une odeur étrange alors que vous dressez votre campement sommaire exempt de la chaleur d'un feu, celui qui jusqu'à présent émaillait vos veillées à Amaferraï. Vous êtes face à une butte. En contrebas, vous apercevez les méandres du canal. Ici, la forêt a quelque peu décru, où les roseaux ont conservé leur emprise. Elle a été noyée par les eaux, la montée des eaux de la saison pluie. Tout est humide, imprégné d'humidité, tout est rongé. Rongé par l'oubli que prodigue la forêt exubérante, qui ronge tout, qui ruine les vestiges de l'homme. Il y a face à vous une tour baignée de la brume, celle qui entache les vallées au-delà de Point Défense, les vallées que tu redoutes pour leurs attaques de sport. Et là, la brume est toute teintée de ce jaune que tu crains. Ce jaune de circonstance. L'un de vous tire un des 10, l'autre tire un des 8 ou les deux. Voilà. 70. 7 et 8. Tout semble imprégné des eaux de ruissellement, là devant vous, au milieu des roseaux, s'étendent les méandres d'une rivière qui est venue lécher, ronger elle-même cette forêt qui engloutit des gringolades. Vous vous installez frileusement les uns contre les autres, pour ménager la chaleur accumulée dans le jour et ne pas crever de froid la nuit. Je vous disais qu'il y avait une odeur étrange autour de vous, une odeur qui ne vous est pas familière. Comme cette odeur qui t'a annoncé auparavant la venue des pieds légers. Parce qu'ils mangent différemment de vous, leur corps véhicule une odeur qui leur est propre. C'est l'odeur de l'emprise pour toi. Mais là, c'est une odeur différente, c'est une odeur d'un phénomène qui est à l'œuvre et que même toi, Herman, connais. Une odeur qui présage une tempête prochaine, une montée d'égrégore. Un orage sec, un orage sans pluie, un orage où on trouve des sulfurés, des gens tout imprégnés de la tempête d'Égrégore et dont les souvenirs les rendent encore plus égarés qu'ils n'étaient errants auparavant. Nicolas, il semble vraiment atteint en sa chair, en ses chairs, par l'âpreté de votre voyage du jour. Vous n'avez parcouru que quelques lieux, mais quel lieu ? Sur une terre glaiseuse, au milieu des ronces, des épines, qui arrache vos chairs, déchire vos vêtements, qui vous arrache peu à peu ce qu'il y a en vous. Il est comme désorienté. Ses lèvres sont toutes craquelées, toutes desséchées. Et là, vous en êtes à partager dans cet orage naissant vos sentiments, vos souvenirs, mêlés ce qui, selon la prime directive, est arrêté, ce qui est, parce que l'oubli est conjuré et endigué. Et là, l'oubli et le souvenir n'ont plus de frontières. Cette frontière est dissoute dans cet orage sec d'égrégore. C'est un orage sans bruit. Simplement les éclairs qui viennent foudroyer la nuit. Qui viennent éclairer les visages d'une lueur spectrale, hantée. Les consciences. Vous entendez Nikolaï, vous sentez une odeur qui est celle qui s'attache aux vieux doctes, au soir de leur vie, l'odeur particulière que prennent les chairs à ce temps de la vie, à ce temps au seuil de mort. Vous entendez le chevrotement de ces voix qui roulent dans sa tête. Vous apercevez dans son regard des éléments diaphane comme des ombres projetées le soir à la veillée contre le mur. Ils se regardent et hochent la tête en silence. De leur bouche aux lèvres craquelées, juste un poison aigrelet qui s'écoule. Ils ont envie de parler, mais sans être là, et de pratiquer l'exorcisme. Un peu de rancune, un peu de haine, un peu de peur, un peu de peine. Où sont-ils? Où habitent-ils ces mots? Ne sont-ils rien d'autre que cette angoisse qu'ils partagent? Sont-ils vides au fond? Où s'emplissent-ils de cette folie sociale qui les submerge? Ces eaux qui ruissellent. À se ronger la patte, ils finiront bien par crever. Retrouvez le souffle qui depuis toujours trace un même chemin entre chaque horizon. Demeurez calme, il faut débusquer le silence tapi au creux du lit et entendre le vacarme de nos pensées s'atténuer pour de bon. Ne pourrait-on pas se contenter d'être le plus simplement comme des nuages qui passent? Jamais je l'ai quitté, et un jour je pourrai le rejoindre. Faire correspondre à nouveau mes pas avec les siens, et sous les perpendiculaires du chemin, oublier enfin les parallèles de la discorde. Alors que vous partagez avec lui ce moment étrange, il se tourne vers toi, Malian. Te tend la main. Il se tourne vers toi, Gaster, te tend la main et croise ainsi les bras et dit: mes amis, tout est lié. Tout est lié. J'aurais un doute avec cette ici. Et dans la confusion du moment, alors que tu entends des voix surgissent d'ailleurs, vous échangez, tu donnes une de tes feuilles à Gabriel, tu en choisis une. Gabriel va donner une de ses feuilles à Mathieu et Mathieu va te donner une de ses feuilles. Et bien sûr, la feuille se place là où vous avez prélevé... Attends, ça arrive. Sa silhouette épaisse et grise, le pas lourd et chargé. Elle ressemble à une terre brûlée, ocre et aride. Devenir un Orla. Bah, et j'en ai un autre qui est avec... Parfois, les Orla viennent dans mes cauchemars. Ça rejoint le tien, ça le renforce. Elle ressemble à une terre brûlée, ocre et aride. Des poils drus ont envahi peu à peu son visage. Duquel ne... subsistent plus que ses deux yeux verrous. Souvent je lui ai parlé à cette vieille femme. Elle m'a raconté l'injustice d'une voix pâteuse en essuyant ses lorgnons. Souvent je lui ai parlé à cette vieille femme. Jamais elle ne m'a reconnu. Maintenant son poignet est brisé. Ses os semblent vouloir sortir de sa peau. Ses yeux parlent aux étoiles, sa voix a retrouvé les nuages. Sa démarche lente et alourdie semble s'être perdue en un lieu qu'elle ne connaîtra jamais. Vous avez devant vous, à quelques pas seulement, une vieille femme toute ridée, une ancienne, une grise à la peau toute parcheminée qui s'est assise et qui, alors que Nikolai, vous me murmurez, tout est lié. Attendu pareillement les mains vers vous. Ouais, c'est toujours ça. Plus précisément, elle a tendu les mains, la main libre, vers la main libre de Gaster, et a dit « Oh, mon Léo! Mon Léo! Comme te voilà! » Ce n'est pas moi, Léo! Mais te souviens-tu, nous avons mangé de grands asticots sur le bord de l'eau! Oh, et toi? D'une démarche tremblante, elle s'approche. Pas plus loin. N'avance pas. Mais, fiston, c'est comme ça que tu accueilles l'ancien? Il n'est nul fils, il n'est nul père. Aux Ortillons, tu étais avec moi. Il n'est nul fils, il n'est nul père, il est seulement l'organisation. Ah, tu as été embrigadé, mais auparavant, tu as été dans il mon giron. Il n'est nul embrigadement, il est seulement je la vérité. Je t'ai conté de belles histoires. Longtemps. Tu m'as conté des mensonges et tu as voulu t'approprier le bien qui ne peut pas être approprié. Tu as refusé la collectivisation, alors fuis, vieille folle. Je n'ai refusé aucune collectivisation. Je suis toute seule égarée dans le marais. Je cherche mon... Je t'ai trouvé, Léo. Je t'ai trouvé. Mais je suis pas Léo à la fin. Qu'est-ce que vous me racontez? Je m'appelle trouvé... Gaster. Je t'ai trouvé, mon Léo, mais je cherche mon Léo, j'ai perdu mon Léo. J'ai perdu mon Léo. Il n'est pas de ton Léo. pas de temps, il n'est pas de... Il n'est nulle possession. Mon ami! Il n'est pas de mon... Il n'est pas de ton, il n'est nulle possession. Tu commences à être lourd. Elle t'a exprimé ce qu'elle cherchait. C'est juste... En soi, c'est l'ami qui lui est rattaché. Ne lui appartient pas, cesse de rêver. J'ai tantôt croisé la gaude. Tu luttes encore contre l'organisation? Je ne lutte pas contre l'organisation, j'ai expérimenté. J'ai tantôt croisé la gaude. Ennemi du peuple, va. Laisse cette vieille femme s'exprimer, bordel. Eux aussi cherchent mon brave Léo. Il s'est perdu près de l'eau. Il faut le retrouver avant que les Orlas ne le rongent, ne le dévorent. M'aiderez-vous à retrouver mon petit Léo? Désolé, mon ami. Mes yeux me trahissent souvent. Mon cœur me dit que tu es bon. Tout est lié, mon ami. L'oubli nous ronge, mais néanmoins, tout est lié. M'aideras-tu à trouver Léo? Bien sûr. Si vous m'aidez à mourir, mon chat, cette tête de mule. Ah, pour ton chat, j'ai... C'est moi qui travaille la communauté. Tiens. Et c'est moi qui travaille la communauté. Elle ouvre une petite boîte. Laisse-le pour son chat. Son chat n'est pas... Prends-les. Il va falloir t'y faire. Il n'est pas un ennemi du club. Les chats adorent ça. J'aimerais que je sois un ennemi du club. Prendrez-vous aussi des cloportes, mon ami? Ça craque bien sous la dent. Quelques cloportes pour sceller, enterrer la hache de guerre. L'organisation ne prend pas de vie. Je n'en prendrai pas. Il n'est nul ordre. L'ordre établi est celui des bourgeois. Alors prendras-tu un abricot? Non. Mange, tu le râlais par rapport à nos délais. Si tu ne manges pas, les délais sont... Merci, madame. Et j'ai une pleurotte, mangeras-tu une pleurotte, mon ami? Je ne mangerai rien. La pleurotte te tente bien pourtant, en tout cas ton estomac, parce que la pleurotte c'est du champignon, c'est autorisé par l'organisation. Reste que je n'en prends pas. Pardon? Reste que je n'en prends pas. Tu n'en prendras pas? Elle offre la pleurotte à Nikolaï, qui s'en délecte. Moi, je coupe mon abricot et je passe la moitié à Nikolaï. Et je passe un peu de cloporte à mon chat. Parfois, Herman m'effraie, te dit Forêt, car il est si véhément dans ses propos. La vieille dame était très gentille avec lui et il ne lui a opposé qu'une froide détermination. Est-ce que tu mises un autre souvenir ou seulement celui-là? Ok, vas-y. Résiste. Je suis le roi des deux. Il n'est roi puisqu'il n'est ordre. Tu es un ennemi de l'organisation. Non, je rigolais. Si tu veux résister. Ah non, ça je vois pas. Tu le mets à la place de celui qui. ciel. Ne nous protège. Non, on... au milieu. Là. Il aurait dû. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Dégringolade. Vous êtes au milieu d'une tempête sèche d'égrégore où se mêlent les rugissements qui enflent nuitamment, qui viennent se mêler à vos rêves. Et qui vous jette sur les berges du mont à la Payotte, après Scobe, en un temps indéterminé, errant sans l'ancienne. Les souvenirs où le temps dérobé. Alors... l'ancienne est toujours avec nous.